Et l'imam Tahawi, dans sa Aqida, il l'a mentionné également. Il a dit, وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا وَالْفُرْقَةَ زَيْغًا وَعَذَابًا. Il a dit, nous voyons que, yani Al-Sunnah wal-Jama'a, sa Aqida dans laquelle il détaille Aqida Al-Sunnah wal-Jama'a. Al-Sunnah wal-Jama'a, il voit que le groupe est une vérité, est un bien, et que la division est un égarement et châtiment. Ya ikhwa, ça vous permet de voir l'importance de ce fondement, de l'union entre les gens de Al-Sunnah wal-Jama'a, entre Salafiyin, et de s'éloigner de toutes les causes de la division. C'est pour ça, depuis plusieurs années, je n'ai jamais entendu une recommandation de notre cheikh, l'imam de notre époque, Rabi ibn Hadi al-Madkhali, sans qu'il appelle à ce fondement. Et il est encore aujourd'hui comme ça. Il appelle toujours à ce fondement l'union entre salafiyin et la mise en garde contre la division entre salafiyin. Et s'il y a des conflits ou des problèmes, on doit les solutionner. Si on n'arrive pas entre nous, on revient aux savants. Et revenez toujours aux ulama qui appellent à l'union. Et éloignez-vous de ceux qui appellent à la division. Car ça, c'est un signe qui te permet, un signe, reviens à ce qu'a dit l'imam Mohammed bin Abdul Wahhab. Il est explicite, il est clair, même pour les personnes les moins perspicaces, même les personnes qui ont, yani, jamais étudié, ils comprennent ce fondement. Et tu trouves qu'aujourd'hui, il y a des gens qui suivent ceux qui appellent à la division et qui pensent être dans la vérité. Pire encore, qu'ils les défendent et qu'ils les soutiennent et qui s'égarent ainsi eux-mêmes et qui égarent tous ceux qui les suivent. Et ils ne suivent pas les savants qui appellent à l'union, tel que notre cheikh, l'imam Rabi ibn Hadi al-Madkhali, qu'Allah le préserve. Wallahi, je l'ai vu pleurer pour ce fondement. Pour ce fondement, الذي عبث به بعضهم في هذه الفتنة. Je ne trouve pas le terme. Ce fondement, non, je ne trouve pas le terme, mais en tout cas, ce fondement qui a été délaissé par certains, et négligé, et qui ont minimisé sa valeur, rien que pour faire triompher leur personne. Wal'iyadhu billah. Donc ça, c'est un signe pour vous tous, quel que soit votre niveau dans la science, pour savoir où est-ce qu'elle est la vérité dans cette fitna. Ceux qui appellent à la division ou ceux qui appellent à l'union. Et je vous cite un exemple concret. J'avais pas préparé de le dire. Je vous cite un exemple concret. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. Ce pays qui était un exemple de l'union entre salafiyin et de l'amour entre salafiyin. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Toutes les divisions entre leurs savants et entre salafiyin dans le pays. Et revenez aux recommandations que j'ai entendues par Allah. J'ai entendu depuis le début de cette fitna jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière recommandation que j'ai entendue du Cheikh Rabi, Hafidhahullah. Il disait, il y a des erreurs de part comme d'autre. Mais vous êtes des hommes de science. Asseyez-vous ensemble et réglez vos problèmes entre vous. Et celui qui est dans l'erreur, il revient sur son erreur, qu'il soit de ce côté ou de l'autre. Et ça, c'est la première des recommandations que j'ai entendues de lui et la dernière que j'ai entendue de lui. et comparer ça à ce que disent les autres qui les appellent à ne jamais s'asseoir avec eux et qui jurent par Allah qu'ils ne vont jamais revenir. Wal'iyadhu billah. Comment ça on peut jurer que quelqu'un ne reviendra jamais? Est-ce qu'on a regardé dans son cœur ou est-ce qu'on a regardé dans le lawh al-mahfouz que celui-là, il est voué à la perdition? Ça, c'est une parole qui n'est pas acceptée et qui n'est pas permise. Et celui qui a été cité dans le hadith, تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ, celui qui a parlé avec une seule parole, cet homme adorateur qui avait un ami qui tombait dans un péché. Et chaque fois, à chaque fois il le voyait dans le péché, il le conseillait. Il avait bien fait de le faire, car c'est un devoir de le faire à chaque fois. C'est pas parce que tu as conseillé ton frère une seule fois, tu le revois sur le même péché et tu dis rien. Non. Le conseil doit être donné à chaque fois, à chaque occasion que tu le vois dans le péché. Jusqu'à un jour où il s'est lassé de conseiller. Et il l'a vu encore sur le même péché, il lui a dit, il a juré par Allah que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonnera jamais. Abu Hurayra radiallahu anhu a dit, il a parlé avec une seule parole avec laquelle il a corrompu sa dunya et son akhira. Il a perdu dunya et l'akhira avec cette parole, cet homme. Allah a pardonné à celui qui était dans le péché. Et a fait entrer en enfer celui qui était dans l'adoration. Et c'est cette même parole qui a été répétée par rapport à ce qui se passe en Algérie. Par Allah, jamais ils reviendront. Ne vous asseyez jamais avec eux. Wallahi, rien que cet élément. Et comme je dis souvent, dans cette fitna, il y a beaucoup d'éléments. Un seul parmi eux te permet de voir la vérité. Et on voit combien de personnes suivent aveuglément encore aujourd'hui. Wallah al-musta'an. Mais après tout, laysa alayka hudahum. C'est Allah qui guide qui il veut. Mais je profite de cette occasion pour appeler tous mes frères et sœurs à revenir et à revoir leur position. Ceux qui ont pris la mauvaise position, à revoir et à réétudier les choses et à regarder les dalils et à demander à Allah dans leur qiyam al-layl de les guider vers la vérité. Wallahi, on est triste de voir des gens qui étaient avec nous avant de cette fitna et qui avaient l'amour pour l'ulama, aujourd'hui ils disent des choses que seul le Mubtadi'a disait avant et des choses que même le Mubtadi'a ne disait pas avant. Wallahi, un des plus grands égarés qu'on a au Maroc qui est aujourd'hui dans la politique et dans le parlement et dans beaucoup de choses qui légitime beaucoup de choses qui sont pas permises dans la religion, qui est le Maghraoui. Même cet homme, avec son égarement, avec son takfir, il ne disait pas ces paroles-là de Cheikh Rabi'i, Hafidhahullah. Et tu trouves des gens qui se disent salafines aujourd'hui, qui disent des choses très graves à l'égard de nos savants. Cheikh Rabi'i, Cheikh Ubaid, Cheikh Abdullah al-Bukhari. En plus de ce qu'ils disent au sujet de Tullab al-Ilm. Et sur ces choses-là, ils seront interrogés. Wallahi, ça va pas te sauver d'avoir suivi un tel ou un tel. Et malheureusement, ils les ont éloignés de la vérité en leur disant « N'écoutez pas les autres. T'écoutes un Hizbi ou t'écoutes un Mubtadi'a. Qu'est-ce qu'on a ?» Alhamdulillah, on suit la même chose qu'on suivait avant cette fitna. Encore aujourd'hui. Alhamdulillah. Qu'Allah nous raffermisse jusqu'à prendre nos âmes. On est sur la même chose avant le fitna. Encore aujourd'hui. C'est eux qui ont changé. Et c'est eux qui disaient des choses de Cheikh Rabi'i. Ils disent autre aujourd'hui. Sans preuve, sans argument. Et là, c'est pas une question d'avoir d'écouter un Mubtadi'a ou d'écouter un Hizbi. t'écoutes un salafi, walhamdulillah. Écoute l'ulama. Wallahi, j'ai vu des gens comme ça, qui sont voisins de Cheikh Rabi, jamais ils se sont donné la peine d'aller vers lui et de l'écouter une seule fois. Et comme j'ai dit, c'est Allah qui guide qui il veut et qui égare qui il veut. Il guide qui il veut avec sa miséricorde et son bienfait. Il égare qui il veut avec sa justice et son équité.